La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cesset. Introduction à la Cité de Dieu. Accord de la philosophie platonicienne et du christianisme sur le principe fondamental. Le moment est venu de voir Saint-Augustin à l'œuvre et d'examiner d'une manière approfondie comment il a exécuté son entreprise, je ne dis pas sur tous les points, ni dans le dernier détail, mais sur le plus grand nombre des points essentiels. Il nous les signale lui-même, et nous trace l'ordre que nous devons suivre, lorsque, dans une série mémorable de chapitres de la Cité de Dieu, livre 8, chapitre 4 à 12, il esquisse en grand et avec une largeur de touche singulière les principes généraux où le platonisme et le christianisme viennent s'unir. Les sages, dit-il, s'accordent à diviser la philosophie en trois parties, la physique ou science de la nature, la logique ou science de l'entendement, l'éthique ou science des mœurs. Livre 8, chapitre 4, livre 11, chapitre 25. Rien de plus légitime que cette division, à laquelle Saint-Augustin attribue une importance infinie. Et d'abord, elle correspond à trois grands problèmes que l'homme se pose en face de l'univers et de lui-même. Quelle est la cause première de tous ces êtres qui forment la nature? Où est la source de la connaissance et de la vérité? En quoi consiste le souverain bien, fin dernière de la vie? Vaste problème dont les deux premiers embrassent toute la philosophie spéculative, et le second toute la philosophie pratique. Livre 8, chapitres 3 et 4. Saint-Augustin, creusant plus avant encore au fond de cette distinction et retrouvant les trois objets éternels des aspirations humaines, l'être, le vrai, le bien, remarque avec une subtile profondeur mêlée d'une émotion pieuse que ces trois objets n'en forment qu'un seul, à la fois triple et un, qui est Dieu lui-même. Livre 11, chapitre 24 et 23, livre 8, chapitre 4. Ce n'est pas tout. L'être des êtres, principe de tout ce qui est, n'est-ce pas Dieu le Père? Le vrai en soi, principe de toute vérité, n'est-ce pas le Verbe, lumière des intelligences, Dieu le Fils? Le bien, principe de toute activité, foyer de tout amour, n'est-ce pas le Saint-Esprit? Or, s'il en est ainsi, les sages de l'Antiquité, quand ils ont reconnu dans la philosophie, une en son fond, trois parties, physique, logique, éthique, les sages ont pressenti la Sainte Trinité. Mais il est un philosophe qui a eu un pressentiment plus intime et plus clair encore des vérités que le Christ devait révéler à tous les hommes. C'est Platon, cet homme divin qu'on rabaisse en l'appelant un demi-dieu. Livre 2, chapitre 14. Car il est plus digne d'avoir un temple que les plus grandes divinités, livre 2, chapitre 7, ce génie incomparable qui a osé dire en face du polythéisme que le vrai philosophe est celui qui aimait et imite Dieu, livre 8, chapitre 5, ce sage entre les sages qui a prononcé le dernier mot de toute sagesse, en déclarant que l'unique dispensateur de toute vérité, l'unique inspirateur de cet amour qui est la source d'une bonne et heureuse vie, en un mot le principe commun de l'être, de la vérité et du bien, c'est Dieu. Livre 11, chapitre 5. Tel est, sur le dernier fond de toute chose, la core essentielle de la métaphysique chrétienne et de la philosophie de Platon. Il reste à montrer cet accord dans toute la suite des problèmes en parcourant tour à tour les trois domaines de la logique, de la physique et de la morale. Markemdanarchive.org, 2019, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.